Bonjour Dominique Dard, vous êtes conservateur du patrimoine, directrice de ce nouveau musée de la Romanité qui va être inauguré dans quelques jours. Nous sommes à quelques jours de l'inauguration par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Et vous nous accueillez ici, véritablement au cœur de la ville de Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'emplacement de ce nouveau musée ? Ah oui, l'emplacement est très judicieux. Vous voyez, face à ce musée, l'amphithéâtre romain, qu'on appelle ici les arènes. Et il est certain qu'à l'heure actuelle, pour créer un nouveau musée archéologique de cette ampleur en centre-ville, à proximité d'un centre historique, c'est assez difficile. Donc on a beaucoup de chance. Manuela Lambert, vous êtes conservateur adjoint de ce musée. Nîmes, c'est une ville qui a un passé romain très célèbre et très fameux. Ce musée s'appelle le musée de la Romanité. Et pourtant, les bornes chronologiques de ce qu'on va voir à l'intérieur dans quelques instants sont un peu plus vastes que la Romanité proprement dite. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, on commence avec une section sur ce que nous appelons la proto-histoire, c'est-à-dire l'époque gauloise, avec essentiellement des œuvres du 6e, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et puis c'est vrai qu'on a une section plus importante sur la période romaine. On a aussi une section sur la période médiévale, qui jusqu'à présent n'était pas présentée dans l'ancien musée archéologique, dont les collections sont présentées dans le musée de la Romanité. Et on termine en effet avec une section qu'on a intitulée « Le legs de l'Antiquité » et qui en fait, a pour thème l'héritage antique, donc la réception des monuments antiques, du passé antique de l'histoire de Nîmes dans les milieux antiquaires du 18e, du 19e siècle, le travail des savants nîmois et puis des collectionneurs. Donc on a voulu aussi faire une place à ce travail de mémoire au 18e, 19e siècle. Peut-être avant de rentrer dans le musée, il faut dire un mot de cette architecture qui est au-dessus de nous, qui est assez impressionnante, sans doute assez réussie, je crois qu'on peut le dire. Dominique Dard, un mot de cette façade à la fois ondulante et composée de petits carrés qui rappellent peut-être la mosaïque. Bien sûr, il faut rendre hommage à Elisabeth de Port-en-Part, l'auteur de ce bâtiment et de la conceptrice de cette architecture. C'était un exercice difficile que de construire un bâtiment du début du 21e siècle à proximité d'un amphithéâtre de la fin du 1er siècle de notre ère. Alors, elle a joué à la fois sur le contraste, c'est-à-dire que en face de ce bâtiment, de cet édifice très massif que sont les arènes, elle a construit un édifice qui se caractérise par sa légèreté, par sa transparence. Nous sommes tout près du rez-de-chaussée. Vous voyez qu'on a l'impression que ce grand cube de verre est posé lui-même sur des parois vitrées, transparentes. Elisabeth de Port-en-Part aime bien dire que son édifice est un peu en lévitation. Alors, il y a des échos de nature beaucoup plus symbolique à la civilisation romaine. Alors, c'est principalement l'utilisation de ces petits carrés de verre qui sont assemblés en grandes plaques et qui, bien sûr, rappellent la mosaïque romaine. Mais c'est aussi ces ondulations qu'elle a imprimées à cette double peau de verre qui est cette façade, qui n'est pas sans évoquer le plissé des vêtements antiques. On va peut-être maintenant rentrer dans ce musée pour aller voir les collections. Cette ambiance que l'on entend, ce bruit d'eau qui nous accueille, c'est en haut de l'escalier hélicoïdal que nous venons de gravir. Cette grande carte du sud de la Gaule nous montre que Nîmes a été fondée sur une source. Nîmes tire son nom d'une source. Quand est-ce que Nîmes a été fondée, Lucille Novellini ? Les premières traces ont été retrouvées sur le Mont Cavalier, qui est la petite colline qui domine la source actuelle. C'est le premier village qui ensuite prend de l'ampleur, s'étoffe au 5e et puis prend beaucoup plus d'ampleur au 3e. Et c'est vrai que la source est fondamentale dans la création de cette ville puisqu'il y a besoin d'eau à proximité et un point élevé qui fait qu'on a pu créer un village qu'on appelle un oppidum, donc un village de hauteur fortifié à proximité de cette source qui a donné le nom de la ville de Nîmes puisqu'il y a une divinité qui se nomme Nemosus. Enfin, on ne connaît pas le nom gaulois, mais les Romains l'ont transcrit sous le nom de Nemosus, qui donnera le nom actuel de Nîmes. On dit gaulois, est-ce qu'il faudrait plutôt parler des Volques ? C'est la même chose, les Volques sont un peuple gaulois. font partie de cette grande peuplade gauloise. C'est vrai que dans le sud, on a tendance à se dire qu'il n'y a pas de Gaulois, on situe ça plutôt dans le nord de la France, mais le sud a été celte et gaulois. Alors, avançons vers cette première section qui est intitulée « L'époque pré-romaine » et dans laquelle on va être accueilli justement par d'abord ce qui frappe une grande maison. Une grande maison gauloise qui a été rebâtie, Dominique Darde, avec cette ouverture qui nous permet de voir l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cet endroit ? Il faut d'abord préciser que c'est un décor. Il ne s'agit pas d'archéologie expérimentale à proprement parler, puisque les matériaux sont pour la plupart des résines, je veux parler des murs, et simplement le toit, lui, a été reconstitué avec du bois, du torchis, lui est plus authentique, c'est ça. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une maison gauloise des environs de 400 avant notre ère, qui a été fouillée dans les années 80 par un archéologue de la région, Bernard Dedé, un spécialiste de la proto-histoire, et que nous avons pu reconstituer sous sa forme initiale, à savoir une maison intégralement en pierre, et comportant deux pièces, dont les fonctions sont bien identifiées grâce au mobilier archéologique découvert lors de la fouille. Vous voyez là devant nous la plus grande des deux pièces, qui était la resserre. Nous avons placé un certain nombre de poteries, de céramiques, des grosses jarres qu'on appelle des dolias, qui servaient à conserver les aliments, notamment les céréales, les grains. Et puis vous avez également des urnes, vous avez des coupes, des gobelets, etc., qui font partie du service de la vaisselle, de cette famille gauloise qui a vécu là à la fin du 5e siècle avant notre ère. L'idée, c'était de présenter un habitat, je dirais même presque un habitacle, de cette période, de ce milieu de l'âge du fer au public dans ses dimensions réelles, et de recréer en quelque sorte une atmosphère. Pour cela, nous nous aidons également de dispositifs audiovisuels. Et vous voyez ici deux écrans. Alors, on a dû faire un écorché, ça je ne l'ai pas précisé, pour que les gens puissent évidemment voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison, puisque ces maisons devaient avoir quand même très peu d'ouverture en dehors de la porte et d'un espace dans le toit pour que la fumée s'échappe. Alors là, vous voyez sur cet écran une interview de Bernard Dedé, l'archéologue qui a fait cette fouille, qui va resituer cette opération archéologique dans son contexte, qui va nous raconter la maison de Gaillan. La petite ferme qui nous occupe appartient au second village, celui de la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est une petite ferme qui comprend une cour, une maison d'habitation divisée en deux pièces et un petit bâtiment annexe, le tout sur une surface de 70 mètres carrés. Vous avez déclenché l'écran tactile, Dominique Darde, dans lequel on entend Bernard Dedel, chercheur au CNRS, archéologue. On va l'interrompre. Et peut-être qu'on peut dire un mot des choix muséographiques et de la muséographie qui est utilisée dans ce musée de la Romanité. C'est un musée moderne avec beaucoup de technologies, beaucoup de réalités augmentées. Il existait auparavant à Nîmes un musée d'archéologie qui datait du 19e siècle. Est-ce qu'il y a des choix dans la présentation des collections qui sont faites qui permettent de donner un coup de neuf, pas seulement grâce à la technologie, mais aussi dans les choix des objets que l'on montre et de la façon de les montrer ? Alors, l'ancien musée archéologique était situé dans un collège de jésuites, donc qui est un très très joli bâtiment, mais qui n'a pas été conçu à l'origine pour recevoir un public. Donc les salles étaient un peu exiguës. Par contre, on bénéficiait d'un magnifique cloître et d'une chapelle attenante. L'inconvénient, c'était pour nous l'accueil de certains publics, par exemple publics en situation de handicap qui ne pouvaient pas accéder. Et puis surtout, il y avait un choix dans la sélection des objets puisque les salles étaient assez petites. Donc, comme vous le disiez Manuela tout à l'heure, le médiéval ne pouvait pas être exposé, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'objets présentés dans ce nouveau musée et de manière un peu plus aérée également. Alors parmi ces objets, pour la période pré-romaine dans laquelle nous nous trouvons, il y a là derrière vous, Lucille Novellini, des bustes, des statues qui sont assez frappants, assez étonnants. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Ce que sont ces bustes ? Nous les décrire peut-être un petit peu ? On voit des personnages avec des coiffes assez extraordinaires. On peut se rapprocher. Alors, comme vous le disiez, le musée conserve une grande partie de statuaire pré-romaine, qui est assez rare puisque les Gaulois, on peut représenter la forme humaine. Donc on a une série d'une petite dizaine de statues. Celles-ci sont un peu particulières puisqu'en fait il y en a deux. On les appelle les bustes de Sainte Anastasie, du nom de leur lieu de découverte. En fait, ce sont des œuvres jumelles. Elles ont été retrouvées dans une fosse. L'une était enfouie face contre terre et l'autre face vers le ciel. Et les socs de charrue ont un peu endommagé les œuvres, ce qui fait qu'en les présentant l'une de face et l'autre de derrière, on arrive à reconstituer l'intégralité de la statue. Donc ce sont des statues bustes, donc un dé carré surmonté d'une tête assez réaliste. Et sur le lit de pose de ces bustes, il y a une mortaise, ce qui signifie qu'ils étaient probablement fichés à un support, un pilier. Et là, nous avons une représentation d'un probable guerrier. En fait, plusieurs éléments nous l'indiquent. Ils sont couverts d'un couvre-chef, qu'on appelle casque, mais on n'a jamais retrouvé en fouille archéologique ce type d'objet. Donc déjà, il devait être en matériaux périssables, on n'en a pas du tout de traces. Ils sont assez localisés à la région, entre Nîmes et Montpellier. On n'a pas de traces ailleurs de statues qui portent ce même type de couvre-chef. Donc plutôt couvre-chef que casque, parce qu'ils sont très volumineux. Ils paraissent peu adaptés au combat. Donc il s'agirait plutôt de casques d'apparat pour symboliser la fonction du personnage, puisque le guerrier dans la civilisation gauloise est un personnage très important. On a d'autres éléments qui confirment cette hypothèse, avec ici, sous le cou du personnage, un élément incisé qui serait probablement un collier. Or, parmi les attributs des personnages importants, on trouve le torque, qui est le fameux collier gaulois. Et puis, sur la face avant du buste, on a une série d'incisions qui représentent alors des traits qui partent des épaules vers le buste du personnage, qui pourrait être une armure, quelque chose, un pectoral, puis une bande avec des chevrons, et puis une bande avec une alternance de chevaux rehaussée de peinture, et puis des chevrons peints en rouge. Et vous avez juste à côté de la statue, à sa gauche, la représentation qui permet de bien voir ces traces de polychromie, sachant que cette statue date du 6e, donc il est exceptionnel de trouver des traces de polychromie de cette époque. On aperçoit néanmoins nettement à l'œil nu. On les aperçoit, mais c'est vrai que l'image permet de vraiment voir à quel point ça rehaussait le décor. Et le cheval fait aussi partie de l'attribut des guerriers, puisque c'est l'animal qui lui est associé. Dernière chose sur le casque, on a des représentations en spirale qui seraient peut-être des cornes ou peut-être des sortes de trompes de guerre, un peu les ancêtres des carnix, les trompes de guerre du combat. Alors continuons un peu dans cette première section pré-romaine. Nous nous trouvons, Dominique Dard, devant des blocs de pierre qui présentent des écritures gallo-grecques. Vous avez deux lignes qui sont gravées en gallo-grec sur la surface frontale de ce chapiteau. Alors, qu'est-ce que c'est le gallo-grec ? Le gallo-grec, c'est la langue gauloise, la langue celtique, qui normalement n'est pas écrite, hein, c'est une langue orale, qui se transmet par transmission orale, et qui, dans ces régions où les populations locales étaient en contact avec des Grecs, les Grecs ayant fondé la colonie de Marseille en 600 avant notre ère et ayant essaimé des comptoirs commerciaux sur tout le littoral du golfe du Lion, eh bien, ils étaient en contact, bien sûr, avec les gens de l'arrière-pays. Et c'est certainement ce qui a donné l'idée à ces populations de transcrire les textes importants, hein, bien entendu, c'est-à-dire essentiellement des textes funéraires, des épitaphes ou bien des dédicaces, des textes religieux, à l'aide de l'alphabet grec. Donc il s'agit de Gaulois écrits à l'aide des lettres de l'alphabet grec. Ce que l'on peut lire sur cette inscription, découverte au XVIIIe siècle dans le bassin de La Fontaine, sur le site fondateur de Nîmes, « Matrebo namosicabo », alors que l'on traduit par « O déesse mère de Nîmes ». Et là, vous reconnaissez tout de suite la racine « namos », comme Lucille le disait très justement tout à l'heure, on ne connaît pas vraiment le nom gaulois de l'esprit de la source, ce fameux Nemosus, hein, que l'on connaît dans sa version latine. Mais Namos, ça donne une idée, hein, de consonance. Et les désinences en abo, cabo, sont par contre reconnues comme étant typiquement celtiques. Et à la fin, vous avez une formule dédicatoire qu'on retrouve sur toutes les inscriptions gallo-grecques religieuses, qui est Bratoudé ou Bratoudeka ou Bratoudekanten aussi. Alors vous reconnaissez très facilement les lettres grecques, le delta ici, l'upsilon, ici le sigma par exemple. Et donc nous possédons une quinzaine d'inscriptions gallo-grecques dans les collections nîmoises. Alors voilà pour la période pré-romaine. Manuela Lambert, on va se diriger vers la partie dite romaine, à proprement parler. Quand est-ce que Nîmes est devenue romaine? Est-ce que cela s'est opéré par une bataille, une conquête violente? Ou est-ce que ça s'est fait peu à peu? L'Empire romain s'est étendu dans ce nord de la Méditerranée, dans ce qu'on appelait la Narbonnaise après? La romanisation s'est faite progressivement, c'est-à-dire que c'est une région qui déjà est au contact de villes grecques comme Marseille, donc, mais aussi par le commerce avec les Romains. Par ailleurs, c'est vrai que la région est en France celle qui a été romanisée le plus tôt et conquise le plus tôt, hein, puisque ça s'est déroulé à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. La région qu'on connaît ensuite sous le nom de province narbonnaise, mais qui est d'abord en fait la Gaule transalpine, elle est conquise en fait à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ par Domitius Enobarbus. Et donc la région va se romaniser tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et la ville de Nîmes, la ville gauloise en fait, elle va devenir colonie de droit latin en 44 avant Jésus-Christ. Et par la suite, en fait, à l'époque augustéenne, elle acquiert une parure monumentale, elle devient vraiment ville romaine, entièrement romanisée. Alors, dirigeons-nous vers la partie romaine de ce musée de la romanité. Je vous laisse nous guider. Alors en fait, on ouvre cette section par une partie qui concerne l'urbanisme, l'architecture, ce dont je vous parlais justement, c'est-à-dire qu'à l'époque augustéenne, la ville acquiert une parure monumentale, donc qui implique par exemple des remparts, qui sont des remparts qui ne sont pas fonctionnels, mais qui sont en fait des remparts qui ont une fonction d'apparat et de prestige. On a toutes sortes d'équipements, donc des thermes, le forum qui est la place publique, qui sont justement construits à Nîmes. Et donc là, dans cette section, en fait, on va se diriger vers les maquettes. On a tout d'abord, pour ouvrir cette section, une maquette sur laquelle une projection permet aux visiteurs de se rendre compte de l'évolution de l'urbanisme sur la ville, depuis la fin de l'époque gauloise jusqu'au Haut Empire, à l'époque romaine, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Et ensuite, on fait dans cette même section un focus sur différents éléments importants de l'urbanisme de la ville. Donc on a notamment le sanctuaire de la Fontaine, qui est marqué aussi par une continuité historique importante, parce qu'il est investi d'une tradition religieuse à l'époque gauloise, mais en fait il devient le site à l'époque romaine d'un augustéum, donc d'un grand sanctuaire du culte impérial, et c'est un site fondamental, donc on le reconstitue aussi pour que les gens comprennent comment s'insérer le fronton, le fameux fronton, dans ce complexe monumental. Ce fronton que vous évoquez, Manuela Lambert, on est passé devant, on repassera devant tout à l'heure, puisque tout le long de la visite, on monte, on descend, mais on est toujours à la fois en contact avec l'extérieur. Actuellement, on voit les arènes, l'amphithéâtre qui est juste devant nous. La lumière de Nîmes, qui est importante, pénètre fortement dans le musée. Et de l'autre côté, ou à l'intérieur du musée, on a le fronton de ce sanctuaire qui était construit sur la source fondatrice de la ville, pourrait-on dire. Rester tourné autour de ce sanctuaire, c'était un choix architectural, j'imagine, d'Elisabeth de Porzamparc, mais peut-être aussi de vous, Dominique Dard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle qu'a eu ce sanctuaire pendant l'époque romaine? Oui, alors c'est le premier édifice public romain que nous connaissions, de la colonie romaine, puisqu'il est fondé en 25 avant notre ère, ça nous le savons par une inscription d'Auguste, qui a été découverte au XVIIIe siècle dans le sanctuaire lui-même, qui a été relevé à cette époque-là, qui est maintenant perdu. Bon. Alors, on parle de site fondateur à bien des égards. À l'époque romaine, le site gaulois a été assimilé, finalement, dans l'Augustéum, dans le sanctuaire impérial. Alors ensuite, pourquoi avoir choisi de placer le principal vestige architectural de ce sanctuaire au cœur du musée? Il est évident qu'il est là presque à titre de symbole. Il évoque en lui-même le site. Et alors, je dois dire que c'est vrai que c'était un des impératifs qui était stipulé dans le programme scientifique et culturel remis aux architectes. Et les trois agences qui ont concouru l'ont utilisé comme un point d'articulation, comme un point fort. Mais il est certain que le projet d'Elisabeth de Ports-en-Parc a très bien traduit le programme, en ce sens qu'il y a une sorte de déambulation du visiteur autour de ce cœur de la cité, représenté à la fois par l'angle du fronton du propylée et aussi par deux colonnes qui proviennent du nymphée. Mais également une reconstitution, là encore, numérique que vous avez réalisée pour ce musée, j'imagine. Et on se rend compte que ce sanctuaire était un monument considérable, gigantesque, qui structurait véritablement la ville. Alors déjà, je pense qu'il faudrait préciser que c'est le seul sanctuaire dynastique qui est véritablement bien identifié dans le monde romain occidental. Donc, si vous voulez, ça lui donne encore plus d'importance. Pourquoi avons-nous choisi de présenter une sorte de diaporama sur le mur latéral? C'est qu'un angle de fronton, ça n'est pas forcément très parlant. Alors déjà, l'architecte a tout de suite compris qu'il fallait évoquer l'ensemble de l'entablement du monument. Par ailleurs, on vous a peut-être déjà dit que la rue intérieure du musée est d'un accès totalement libre. Les visiteurs vont passer, traverser cet atrium librement pour accéder au jardin. Encore fallait-il qu'ils puissent comprendre ce qu'on exposait à cet endroit-là. Le moyen le plus efficace que l'on ait trouvé, c'était de montrer, grâce aux images virtuelles dont nous disposons actuellement, grâce aux reconstitutions en trois dimensions, d'intégrer l'angle du fronton dans le bâtiment, puis d'intégrer le bâtiment dans le complexe architectural de la fontaine. Alors c'est un dispositif qui est assez rapide, qui dure seulement quelques minutes, mais qui normalement, de façon purement visuelle, devrait faire comprendre de quoi il s'agit. Qu'on peut voir quand on se promène sans rentrer dans le musée, quand on traverse cet atrium, mais qu'on peut voir aussi dans le musée à différents endroits. Alors on va avancer un petit peu dans cette partie consacrée à l'architecture publique romaine. Et on arrive dans une grande salle avec des éléments architecturaux, des frontispices, là encore des morceaux des fragments d'architecture romaine qui sont assez magnifiques, avec des médaillons très bien conservés, avec des têtes humaines et puis aussi des grosses têtes de taureaux. Cet espace me paraît particulièrement important dans le musée parce qu'il nous permet de présenter tout un pan des collections qui jusqu'à présent étaient restées en réserve. Ce sont ces fragments d'architecture qui proviennent d'édifices publics romains du Haut Empire qui ont complètement disparu, contrairement à la Maison Carrée, à l'amphithéâtre, etc., mais qui ont tout de même été conservés, soit parce qu'ils ont été remployés dans des constructions postérieures à l'Antiquité, soit parce qu'ils ont été repérés par des érudits, des collectionneurs qui les ont conservés chez eux. Hein. Et on a véritablement ici un cours d'histoire de l'art, du décor architectural public. Vous avez ici, par exemple, une frise dorique qui peut être datée, d'après les spécialistes, du 1er siècle de notre ère, qui est d'une qualité exceptionnelle, digne de ce que l'on rencontre à Rome. Et alors, vous savez, ces frises doriques, elles sont faites de l'alternance de triglyphes et de métopes. Alors ici, effectivement, vous faisiez remarquer qu'il y avait des... Alors, ce ne sont pas des têtes de taureau, c'est ce qu'on appelle des bucranes. C'est-à-dire, c'est une tête décharnée. Hein, ça fait partie, bien sûr, du décor architectonique romain antique. Hein, et ça peut faire référence aussi à la notion de sacrifice dans la religion romaine. Hein. Vous voyez, vous remarquerez d'ailleurs qu'ils sont tous enrubannés. Hein. Ils sont tous, voilà. Alors, vous avez une alternance donc dans l'ornementation de ces métopes entre des médaillons, certains appellent ça des boucliers, ornés avec des visages tous différents. Alors voilà pour la frise dorique. À Nîmes, ce qui est le mieux représenté tout de même, c'est l'ordre corinthien. Comme d'ailleurs dans beaucoup de cités de la Narbonnaise. Là, nous voyons en contre-plongée, si j'ose dire, 5 blocs d'une corniche corinthienne à Modillon. Ils ont été découverts avec le morceau de frise qui est ici, le chapiteau qui est encore plus bas, en 1951 sur la place du théâtre de Nîmes à l'occasion de travaux. Et alors, évidemment, les historiens, les archéologues se sont beaucoup interrogés pour savoir de quel monument cela pouvait-il provenir. Or, il se trouve que à proximité, on a découvert également une inscription à Isis. Là, nous faisons référence aux cultes orientaux, à l'importance qu'ils ont eue dans les provinces romaines. Et alors, c'est une simple hypothèse, on a pensé que ces blocs pourraient appartenir à un temple à Isis. Bon, c'est jusqu'à ce que l'on trouve d'autres éléments qui nous prouvent autre chose. Donc vous pourrez admirer ce magnifique chapiteau composite. C'est un chapiteau composite qui est en partie corinthien et en partie ionique. Dominique Dard nous disait que cette salle était un vrai cours d'archéologie, Manuela Lambert. Ce qui est très intéressant dans ce musée de la Romanité, c'est que entre les salles, on voit parfois sur les murs illustrés les chantiers de fouilles, où ont été trouvés les vestiges et les chefs-d'œuvre archéologiques que l'on voit. Devant nous, là, on a un chantier de fouilles assez récent, puisque c'est en 2006, un chantier de fouilles très long, qui a donc dû occuper un grand espace à Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et ce qu'on y a trouvé ? Oui, effectivement, il s'agit des fouilles du boulevard Jean Jaurès, donc qui ont été conduites par l'INRAP, l'Institut National donc de Recherche en Archéologie Préventive, donc qui a pu fouiller en fait un ancien quartier résidentiel d'époque romaine à l'emplacement de ce qui devait être un futur parking. Ils ont donc profité des travaux d'aménagement prévus et on a eu énormément de chance puisque les découvertes ont été très importantes. Aussi, enfin, sur toute l'évolution de la période gauloise à l'époque romaine et aussi jusqu'à la période d'abandon au IIIe siècle. Et alors, il y a en particulier peut-être un chef-d'œuvre que vous présentez dans ce musée qui a été trouvé donc en 2006 dans cette fouille du parking de Jean Jaurès. C'est une mosaïque, on va aller la voir, peut-être que vous pouvez nous la présenter. Me voici venu au pays des Thébains. Moi, fils de Zeus, qu'a enfanté Sémélé. Il faut que cette cité apprenne, qu'elle le veuille ou non, qu'elle n'est pas initiée à mes bacchanales. Ainsi parle Dionysos à l'approche de Thèbes dans les Bacchantes d'Euripide. Là, sur une colline ocre surplombant les vastes plaines écrasées de chaleur, s'élève le palais où vit le roi Panthée avec sa mère, la reine Agavée. De retour d'Asie, Dionysos compte imposer ses rites dans le royaume de Panthée et prouver ainsi son essence divine. Mais il reçoit un accueil glacial et décide de se venger. Alors on est là quelques mètres au-dessus de cette mosaïque, dite mosaïque de Panthée, qui est une mosaïque qui fait 35 mètres carrés, voilà, qui est absolument, enfin presque intacte, magnifique. D'abord peut-être Manuela Lambert, vous pouvez nous dire en quelques mots qui est Panthée ? Alors Panthée en fait est le roi de Thèbes et évidemment il est célèbre en fait dans la mythologie antique parce que il a offensé le dieu Dionysos et la vengeance du dieu a été terrible et Panthée a été puni d'une façon absolument effroyable puisque c'est sa propre mère, la reine Agavée, rendue folle par Dionysos qui a tué son propre fils, en fait aveuglé par la transe dionysiaque. Donc c'est l'histoire d'une vengeance divine. Et c'est la scène que l'on voit là, la mère du pauvre Panthée, la scène centrale de cette mosaïque, tout à fait, ouais. Qui est en train de le tuer avec un... un tirse, qui est la tribu des Bacchantes, donc les dévotes de Dionysos. Et il s'agit d'une scène donc, d'une légende qui a été portée à la scène par Euripide dans sa pièce Les Bacchantes. Et donc c'est pour ça que ce choix est assez intéressant, puisque ça veut dire que le propriétaire de la maison donc de Panthée, et donc qui est aussi le concepteur et le commanditaire de cette salle, salle d'apparat, hein, de ce salon de réception. Bon, mais il avait aussi des goûts assez pointus du point de vue culturel. Il a voulu manifester qu'il appartenait à une élite sociale, mais aussi à une élite culturelle. Il y a des références aux arts à travers ce choix-là, hein, sur la légende de Panthée, mais plus généralement aussi, c'est une mosaïque qui traite du thème dionysiaque et théâtral, puisque Dionysos est le dieu du théâtre. Et par ailleurs, hein, il faut savoir aussi qu'on a retrouvé des fragments d'Andulpin dans la même pièce, avec un personnage qui se trouve être le dieu Apollon, qui est donc aussi le dieu de la poésie et des arts. Donc une ambiance très culturelle et très raffinée dans cette pièce de réception. Vous évoquez le théâtre, on voit en effet tout autour de cette mosaïque des masques, oui. Peut-être celui de Pan, du dieu Pan, ou je me trompe. Oui, tout à fait. Et puis beaucoup d'oiseaux aussi. Il s'agit de ce qu'on appelle un tapis mosaïqué, donc d'une composition. Alors c'est vrai qu'elle est centrée autour de ce médaillon avec la légende de Panthée, mais on a aussi d'autres éléments figurés. On a quatre équinçons avec des bacchantes, notamment, hein, qui sont les suivantes et les dévotes de Dionysos. Et on a aussi, comme vous le disiez effectivement, des masques de théâtre tragiques, comiques, hein, donc le dieu Pan, des masques de comédie. Et on a aussi, de façon un petit peu plus décorative, ornementale, des oiseaux qui sont aussi représentés dans des médaillons. Donc une composition très élaborée, symétrique, hein, avec à la fois donc une composition géométrique travaillée, mais aussi des éléments figurés qui renvoient tous à une thématique cohérente autour de Dionysos et du théâtre. Découverte en 2006, cette mosaïque est montrée pour la première fois dans ce musée au public ? Non, elle a été présentée en fait dans la chapelle des Jésuites dont ma collègue Lucille vous a parlé tout à l'heure, hein, qui était attenante à l'ancien musée archéologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait elle a fait l'objet d'une restauration qui a pu être vue par les visiteurs. Donc le restaurateur travaillait sous les yeux des visiteurs, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il y a eu un éclairage médiatique très important autour de cette découverte et donc les gens étaient aussi en demande. C'est d'ailleurs aussi la découverte de cette mosaïque qui a un petit peu précipité les choses pour lancer ce projet, hein, et qui a compté dans la décision de monsieur le maire de Nîmes. Hein, ce projet du musée de la Romanité. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y avait une vraie demande autour de cette mosaïque exceptionnelle. On a avancé un peu dans ce musée de la Romanité, on est passé dans une salle pleine de mosaïques assez monumentales et impressionnantes qui sont présentées verticalement sur des murs alors que ce sont des mosaïques qui étaient évidemment au sol. Et on est passé entre autres devant la mosaïque de Bellérophon qui est un des autres chefs-d'œuvre de la mosaïque de ce musée de la Romanité. Et nous voilà dans une salle, alors là on est tout en haut du musée, tout près de ce frontispice du sanctuaire de la Source et on voit la fameuse reconstitution en trois dimensions qu'on évoquait tout à l'heure. Et juste là, Lucille Novellini, juste à côté de nous, il y a une maquette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette maquette qui montre donc ce sanctuaire et ces jardins de la fontaine ? Alors cette maquette prend place dans le dispositif que nous avons mis en place de parcours tactile, c'est-à-dire que dans toutes les salles du musée, nous avons choisi des objets un peu emblématiques et il y a eu des copies, donc des transpositions tactiles à destination du public non et malvoyant, mais qui sera aussi accessible à tout public, puisque ça va permettre d'enfreindre une règle générale d'un musée qui est de ne pas toucher les objets. Et là, justement, vous avez le droit de toucher. Et là, nous avons demandé d'avoir la maquette du sanctuaire de la Fontaine à l'époque au Haut Empire, c'est-à-dire à l'apogée de la ville de Nîmes, puisque nous l'avons expliqué depuis le début, le musée tourne autour de la reconstitution de ce fronton. Donc nous avons souhaité refaire une maquette sur laquelle apparaissent tous les éléments connus du sanctuaire dans l'Antiquité pour que le public non-voyant réalise vraiment à quoi ressemblait la ville de Nîmes et surtout quelle est l'importance de ce fronton dans les jardins de la Fontaine. Ces mosaïques de Panthée ou de Bellérophon, ce frontispice du sanctuaire, Dominique Dard, sont parmi les chefs-d'œuvre de ce musée de la Romanité. Il y a aussi, dans un musée archéologique, des pièces qui sont peut-être moins spectaculaires, mais qui sont tout aussi importantes et que vous êtes heureuse, je crois, de pouvoir exposer un assez grand nombre. Ce sont, là, on est au milieu d'une cinquantaine d'inscriptions latines qui sont donc des textes sur des pierres, des stèles. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'une part, ce qu'elles sont, pourquoi vous avez choisi d'en présenter autant, et puis peut-être aussi ce que vous avez trouvé comme méthode pour retenir l'attention des visiteurs dans ces pièces qui sont peut-être au premier abord un peu austères. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'elles sont ? L'épigraphie, c'est l'étude des textes gravés sur un support dur. Ça peut être de la pierre, ça peut être aussi du métal, ça peut être du bronze ou d'autres matériaux. Donc, des textes qui sont destinés à durer dans le temps. Des textes importants. Pour la plupart, ce sont des épitaphes, des inscriptions funéraires, mais vous avez aussi des inscriptions honorifiques, des inscriptions publiques et des inscriptions religieuses. Alors, pourquoi en présenter autant ? En effet, à Nîmes, eh bien, c'est parce que le musée archéologique de Nîmes possède l'une des plus importantes collections d'inscriptions latines d'Europe. Cette cinquantaine d'inscriptions est une toute petite partie des collections. Oui, je dirais, puisque nous en avons 1000 dans les collections. Donc vous voyez, il y en a un peu plus de 50, parce qu'ici, c'est l'espace réservé à l'épigraphie latine, avec une initiation à l'épigraphie latine qui est projetée à l'entrée de cet espace. Mais nous avons aussi utilisé les inscriptions tout au long du parcours quand elles avaient un sens. Par exemple, l'inscription mentionnant avec une représentation des outils d'un tailleur de pierre et son nom se trouve dans la partie architecture. Bon. Donc en gros, nous présentons 10% de la collection d'inscriptions latines. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent, ces inscriptions ? Ici, dans le musée, on a par exemple des bornes millières. Et on en présente une là-bas. Et on la présente d'une manière qui soit un peu attractive. Alors, on a choisi 4 inscriptions que l'on a traitées d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'un dispositif audiovisuel éclaire les lettres des mots. Ensuite, on donne une traduction qui est projetée tout simplement sur l'inscription. Et on a ajouté à cela un élément visuel sous la forme d'une sorte de petit dessin animé qui raconte, voilà, qui est muet, mais qui raconte une petite histoire. Ça peut être la restauration d'une route romaine pour la borne millière. Ça va être... C'était une borne, en l'occurrence, sur la Via Domitia. Sur la grande voie qui traverse la Narbonnaise, qui relie l'Italie à l'Espagne, et sur laquelle, évidemment, se trouvaient des bornes millières. Et chaque empereur qui faisait restaurer la voie en profitait, évidemment, pour inscrire son nom sur les bornes, ce qui était un moyen de propagande extrêmement commode. On voit ces lettres qui ressortent donc en blanc. C'est comme si la pierre, comme si l'inscription s'animait sur la pierre. Les lettres sont d'abord simplement surlignées, les lettres latines. Ensuite, on donne la traduction. Et puis, on en donne aussi le sens. Et on a ajouté une animation graphique, si on veut. Lucile Novellini, on a traversé les espaces consacrés à la vie quotidienne sous l'Empire romain, consacrés aux religions romaines. Et là, en tournant autour de ce fronton, de ce frontispice du sanctuaire, on est un peu revenu sur nos pas. Et je voulais quand même m'arrêter quelques instants sur ce médaillon qui est une des pièces sans doute les plus célèbres des collections de ce musée de la Romanité, ici à Nîmes, qui s'appelle le médaillon de Cavillargue. Juste en face de nous, on voit encore par la fenêtre, par l'ouverture, les arènes de Nîmes, l'amphithéâtre, et ce médaillon évoque le passé de la gladiature ici à Nîmes. Oui, tout à fait. Il est célèbre surtout par l'iconographie qu'il présente. Donc un médaillon, en fait, c'est un petit objet qui se colle sur un vase avant cuisson. Donc normalement, il faisait partie de la panse d'un vase. Là, nous n'avons que le médaillon qui a été retrouvé, réutilisé en tant que couvercle d'une urne funéraire dans la ville de Cavillargues, d'où son nom. Et il présente tous les protagonistes du combat de gladiateurs. Très souvent, on a uniquement les gladiateurs qui se battent. Là, on a tous les participants du spectacle. Donc, il y a 2 gladiateurs affrontés. Et on est à un moment du combat ou du spectacle qui est interrompu par l'arbitre qui est au milieu des 2 protagonistes. Et sur le côté gauche de l'un des gladiateurs, il y a un autre arbitre. On sait dans les textes qu'il y avait des arbitres dans ces jeux justement pour contrôler, éviter qu'il y ait eu des arrangements entre gladiateurs avant pour essayer de truquer le combat. sachant que le combat de gladiateurs, ça ne finit pas forcément systématiquement par la mort. Il y a parfois ce qu'on appelle stantes missio, la renvoyer debout, parce que les deux gladiateurs se sont très bien combattus, donc les deux sont ex aequo, et parfois un des gladiateurs demande l'arrêt du combat, mais il n'est pas mort. Parce que entraîner un gladiateur, ça demande énormément de temps et d'énergie, et surtout un investissement financier très important. Donc le but du propriétaire des écoles de gladiateurs n'est pas d'avoir son gladiateur qui meurt à chaque combat. Donc là, vous avez une paire affrontée qui est le rétiaire et le sécutor, qui est une paire assez classique dans ces combats de gladiateurs. Donc l'arbitre qui est en train d'arrêter le combat, l'autre arbitre fait un signe de la main, et donc on n'a pas le fameux pouce qui est très connu, mais malheureusement, c'est par le biais du tableau de Jean-Léon Gérôme, le pollicé verso. Et donc, on sait que ce n'était pas le signe pour signifier la mise à mort. Il y avait d'autres manières de communiquer. Ah, il a le poing serré. Voilà, il a le poing serré et il désigne des petits personnages qui seraient peut-être soit des gladiateurs qui ont déjà combattu ou des spectateurs, en demandant que se passe-t-il. Et on a une petite inscription qui signifie justement stantes missio, ça veut dire renvoyer debout. Donc les deux sont ex aequo, ils se sont battus de la même manière. Et on a deux petits personnages aussi qui portent des éléments rectangulaires sur l'épaule, qui sont en fait ce qu'on appelle les porte-pancartes. C'est la publicité de l'époque, c'est-à-dire que dans la piste, ces porte-pancartes étaient chargées de faire la promotion des gladiateurs qui se battaient en indiquant le nom et le nombre de combats qu'ils avaient déjà gagnés. Nîmes était une ville connue pour ses gladiateurs, Manuel Alambert. Alors effectivement, c'est vrai que l'amphithéâtre accueillait des combats de gladiateurs, mais pas seulement, hein. Ils accueillaient aussi des chasses, comme dans le reste de l'Empire. On avait un programme de jeu assez classique sous l'Empire, avec les chasses le matin, un intermède le midi, et puis ensuite les combats de gladiateurs l'après-midi qui étaient très attendus. On a aussi retrouvé des stèles funéraires de gladiateurs, donc il y avait une nécropole, hein, avec un secteur qui visiblement leur était plus ou moins consacré, mais par contre on n'a pas du tout de preuves, hein, qui nous permettent de dire qu'il y avait une école de gladiateurs, par exemple comme à Capoue. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément attestées. Alors, on va se rapprocher de la fin de ce parcours dans le musée de la Romanité et traverser très rapidement cette troisième section consacrée au Moyen-Âge dont Manuel Alambert a parlé tout à l'heure pour se diriger vers la fin de l'exposition permanente, la salle consacrée au XIXe siècle intitulée « L'aigle de l'Antiquité ». Manuel Alambert, ici les pièces exposées datent essentiellement du 19e, pas vraiment, mais ou de collections constituées au 19e siècle ou du 19e siècle. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. On a souhaité accorder une place quand même importante en fin de parcours, justement à toute cette redécouverte de l'Antiquité et de l'histoire du passé antique de Nîmes, notamment par les savants, les antiquaires locaux. Alors, il y a par exemple une figure de savant qui est très importante, c'est celle de Jean-François Séguier au XVIIIe siècle, puisque comme le disait Dominique, il était excellent épigraphiste, il a pu déchiffrer l'inscription de la Maison Carrée, on le connaît pour ça, mais c'était par ailleurs un savant complet, un humaniste complet, versé dans la botanique, les sciences naturelles, l'histoire, l'architecture, etc. Donc il avait une très riche collection qu'il a léguée par la suite à l'Académie de Nîmes et qui est répartie aujourd'hui dans plusieurs institutions culturelles nîmoises. Donc nous, évidemment, on présente des objets archéologiques issus de sa collection, hein, dans deux vitrines qui sont ici. Donc il y a notamment du lapidaire, il y a aussi un ascos, c'est-à-dire un petit récipient en bronze, qui est assez connu puisque le futur président des États-Unis, Thomas Jefferson. Alors là, on a déclenché la musique, parce que quand on passe, les choses s'allument un peu partout. Alors Thomas Jefferson. Oui, je disais que Thomas Jefferson, justement, avait vu cet objet chez Jean-François Séguier, et donc en fait avait fait réaliser une copie pour l'offrir à l'architecte Clérisseau, un architecte nîmois, puisqu'il avait visité Nîmes. Hein. Il faut savoir que Jean-François Séguier recevait toute l'intelligentsia européenne, hein, venue voir les monuments antiques à Nîmes. Hein. Il avait un réseau de correspondants très important. Donc il y a d'abord un focus sur ce personnage par le biais d'un audiovisuel, et puis évidemment avec des objets issus de sa collection qui sont présentés. Ensuite, on présente des objets, donc essentiellement de la céramique grecque, hein, étrusque et italiote, hein, qui sont issus de plusieurs collections, hein, de collections privées. Donc ce sont soit des dons, soit des achats, soit des legs. Donc on a une petite partie de la collection, la fameuse collection Campana, qui avait été rachetée en grande partie par Napoléon III, hein, au marquis de Campana, qui est au Louvre, mais aussi dans d'autres musées en région, hein, puisque cette collection a été un petit peu dispersée. Mais on a aussi des collections locales, par exemple la collection Dumas. On a aussi la collection Perrault, hein, qui là sont des collectionneurs de la région. Et alors par ailleurs, ce qui prend beaucoup de place aussi dans cette salle, ce sont des maquettes en liège réalisées par Auguste Pellet, qui est nîmois aussi, qui donc est spécialiste d'architecture et d'histoire romaine, et qui a réalisé ces maquettes de monuments à la fois de Gaule romaine, d'Italie, mais aussi de Grèce. Alors il a fait deux séries de maquettes, il y en a une qui se trouve au Musée National d'Archéologie à Saint-Germain-en-Laye, et on a une maquette nous aussi à Nîmes, dont on présente certains éléments. Alors il y a la maquette du Colisée qui est très impressionnante. C'est assez monumental. Voilà, tout à fait. 2 mètres de diamètre, presque 2 mètres de diamètre. Et ce qui est intéressant, c'est de l'avoir présenté à côté de l'amphithéâtre de Nîmes, sachant que le Colisée a servi de modèle quand même à l'amphithéâtre de Nîmes, comme pour d'autres amphithéâtres de la région, hein, comme celui d'Arles. L'échelle est la même. Et oui, l'échelle est la même, et donc on mesure quand même la différence, hein, de proportion entre le Colisée et puis bah, son... ouais, quand même, c'est pas honteux pour l'amphithéâtre de Nîmes, qui est pas mal. Là, on est devant l'amphithéâtre de Nîmes. Ça permet aussi de Un étage en moins, disons. Oui, il y a un étage en moins. Mais ça permet aussi de savoir dans quel état étaient ces arènes au XIXe siècle. Tout à fait. C'est très intéressant parce que, effectivement, ces maquettes, alors on n'a pas la date précise, hein, de réalisation, mais elles ont été réalisées à peu près au milieu du XIXe siècle. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on les voit dans l'état où elles étaient avant intervention de restauration, puisque l'amphithéâtre de Nîmes a fait l'objet de restaurations successives à partir du XIXe siècle. Alors on a commencé cette visite dehors, devant le musée. Je voudrais qu'on la termine dehors aussi, mais à un autre endroit, c'est dans le jardin archéologique qui est plus ou moins au cœur du musée et qui est un jardin public, donc que les gens pourront traverser. Je vous laisse nous y emmener, oui. Dominique Dard. Oui. Alors oui, on va passer par là, oui. Sortir du musée et on se dirige vers ce jardin qu'on voit, cette rue. C'est une rue intérieure qui permet aux gens d'accéder librement au public depuis la place des Arènes, le parvis des Arènes si on veut, jusqu'au jardin du musée, qui est un jardin archéologique puisqu'il conserve les vestiges d'une courtine et d'une tour du rempart augustéen de la ville. Et vous voyez ici matérialisé au sol le tracé, la ligne du rempart romain sous cette rue intérieure du musée. Alors, ici ça résonne puisque nous sommes dans l'atrium, justement, qui fait une quinzaine de mètres de hauteur. Juste en dessous. Au-dessus de nous, l'angle du fronton, du propylée qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Et autour duquel on a tourné. Voilà, et autour duquel se déroule le parcours muséographique. Et ici, la projection qui montre l'état du sanctuaire de la Fontaine au début du XIXe siècle, avec son inscription Res Publica Nemosensium, donc la République des Nîmois, et en dessous une titulature impériale, mais malheureusement l'inscription est incomplète. Et alors les spécialistes l'attribuent soit à Adrien, soit à l'empereur Antonin, donc au IIe siècle. Et on va quand même ouvrir la porte et pénétrer dans ce jardin pour finir la visite au soleil. Fortification romaine. Vous voyez, c'est un mur qui fait environ 2,50 m de large, qui est construit alors dans le petit appareil romain, très très très caractéristique, dont vous voyez 1, 2, 3, 4 assises qui sont conservées là au maximum. Et donc ce sont des murs à double parement, appareillée avec un blocage intérieur fait de matériaux de tout venant. Et si nous cheminons sur un peu plus avant dans ce jardin, nous allons découvrir une tour ronde, une de ces tours tangentes, dont la base seule est conservée. Alors, je tiens à mentionner le nom de Pierre Varenne, qui était architecte et directeur de recherche au CNRS à Aix-en-Provence, qui a consacré une vingtaine d'années de sa vie à étudier le rempart romain de Nîmes. Il a étudié toutes ces courtines et ces tours qui étaient conservées, soit dans des espaces publics, comme devant l'amphithéâtre, soit parfois dans des propriétés privées. Et actuellement, il y a encore des gens qui étudient ce rempart, notamment Richard Pellet, qui lui est archéologue à l'INRAP et qui a continué à faire des fouilles sur des tronçons conservés, notamment un endroit où la courtine est conservée dans une grande élévation, dans la partie ouest de la ville. Et c'est donc devant les vestiges de ce rempart, au pied du musée de la Romanité de Nîmes, et les éblouis par le soleil, que nous allons terminer cette visite. Merci Dominique Dard, merci Lucille Novellini, et merci Manuela Lambert. Merci à vous.